Cette semaine, on Mathieu Plancho. Dans Terre de Gilles, Terre de Gilles, un nouveau magazine scientifique avec Jean-René Dufard. Dans Merci Science, se tenir par la main synchroniserait nos cerveaux et apaiserait la douleur. Dans Célix et l'île de Bali, coupe Internet pendant 24 heures pour réfléchir. Et dans Tout ce qui bouge, un organisme veut faire du Québec une terre d'avenir pour les drones. Le Mathieu Plancho commence tout de suite. Constamment son cerveau par la main. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 19 mars 2018, la chronique télévisuelle Television, la section Science, Technologie, Médecine, Merci Science et le segment Geek CNX. Frédéric Simon et Samuel Gérard sont absents malheureusement cette semaine, donc pas de rubrique jeux vidéo. Par contre, dans un instant, ce sera Television. Avant ça, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. On a débuté avec une excellente pièce de Coconuts qui s'appelle Robbery. Je l'ai absolument adoré. Et on va continuer dans la même veine un peu avec SRAM. Voici Providence Skies, cover de Providence Skies par Catherine Faber avec un émulateur de Nintendo. Tout de suite au Mathieu Plante Show. Thank you. SRAM avec Providence Skies Remix, remix d'une pièce de Catherine Faber. Maintenant, c'est Television Television. Television, Television, où on parle des nouvelles télévisuelles un petit peu partout dans le monde. En fait, mais on commence au Québec avec Jean-René Dufort qui a besoin de cobayes pour un nouveau magazine scientifique. Jean-René Dufort qui va tester de nombreuses expériences scientifiques sur des humains et en tirera les conclusions à la télé sur la chaîne Ici Explora. Inspiré par un concept hollandais, l'équipe de l'émission L'Institut profitera de la volonté de gens de partout au Québec et de tous âges pour mener des tests individuels et en groupe à caractère social qui toucheront à des sujets tels que la peur, le sexe, le racisme et la violence. Oui, ça fait un petit peu penser à tester sur des humains à TVA, mais bon, hein. Bien que Jean-René Dufort a confié vouloir s'intéresser à la bibitte qu'est l'humain en société, l'Institut ne sera pas une télé-réalité. L'animateur sera épaulé par la journaliste scientifique Marie-Pierre Elie afin d'analyser les différents résultats obtenus. Dans le but de préserver la virginité, la fraîcheur des cobayes, il n'a pas voulu dévoiler la nature des expériences auxquelles 50 personnes accepteront de se prêter lors de leur séjour à l'Université Bishop au mois de juillet. Exportés de la Hollande, les expériences se prêteront toutefois bien au Québec, a précisé M. Dufort. Je cite, on dit toujours qu'on est une société distincte, alors on va pouvoir tester scientifiquement jusqu'à quel point on l'est. Produite par Zone 3, l'Institut doit prendre l'affiche sur Ici Explora en décembre ou en janvier prochain. 10 épisodes de 30 minutes sont prévus à l'horaire. Pour l'instant, les gens peuvent proposer leur candidature sur ici.exploratv.ca. Justement, parlant de science, c'est malheureusement la fin annoncée de l'émission Électron Libre et ça soulève un tollé. La décision de Télé-Québec de tirer un trait, oui, sur l'émission scientifique Électron Libre soulève un tollé parmi les communicateurs scientifiques, nous raconte la presse. Dans une lettre ouverte, des signataires, notamment rattachés à l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, à l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, au cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal et au magazine Québec Science, affirment que le diffuseur public se défile de sa responsabilité de développer la culture scientifique québécoise. Diffusé depuis l'automne 2016, le magazine Électron Libre est animé par Pierre Chastenet, Marianne Desautels-Marissal et Rabi Ramal et traite des avancées scientifiques québécoises. L'émission est une évolution de l'ancien magazine Le Code Chastenet et elle ne sera pas renouvelée l'automne prochain. Je cite, en septembre 2018, pour la première fois depuis 10 ans, aucun magazine scientifique ne sera présenté à l'antenne de Télé-Québec, déplorent les signataires. Ils rappellent que le mandat de Télé-Québec inclut de développer le goût du savoir et de favoriser l'acquisition des connaissances. Alors, des fausses nouvelles, ils soulignent l'importance de développer la culture scientifique, un objectif inscrit dans la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation du gouvernement Couillard. À l'ACFAS avait déjà acheminé une lettre à Télé-Québec en février, dans laquelle elle qualifiait le retrait de l'émission de fort dommageable. Je cite, il est dommage que l'émission soit retranchée de la programmation, car elle contribuait intelligemment à nous faire connaître la recherche d'ici et à nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Télé-Québec se défend de tourner le dos à la science. En 2017, son jeu questionnaire génial est passé de 1 à 4 jours par semaine et sera à 5 jours par semaine à l'automne, ce qui est une excellente nouvelle quand même. Je cite, l'an dernier, on avait 1h30 de contenus originaux dédiés à la science. On fait passer à 2h30 l'an prochain. Alors, c'est un peu étonnant d'affirmer qu'on se retire de la science. On le fait différemment, bien sûr, mais on n'en aura jamais fait autant, oui, a dit Denis Dubois, qui est directeur général des programmes à Télé-Québec. Monsieur Dubois, qui affirme que le succès d'Électron Libre n'est pas en cause, l'émission attirait quand même 68 000 téléspectateurs lorsqu'elle était diffusée le mardi soir. À l'automne dernier, elle a été déplacée au vendredi soir, ce qui a attiré 65 000 téléspectateurs. Et le changement d'horaire a fait grimper sa part de marché de 2% à 2,7%. Les signataires de la lettre reconnaissent la pertinence de Génial, mais ils affirment qu'il s'adresse à un public plus jeune et met pas en valeur la recherche québécoise. Les fonds de recherche du Québec, qui distribuent les fonds publics pour la recherche, accordent environ 50 000 $ par année à Electron Libre. Une réunion entre les FRQ et Télé-Québec s'est tenue récemment pour explorer la possibilité de faire passer ce partenariat à l'émission Génial et peut-être y inclure du contenu sur la recherche québécoise. On va à Radio-Canada qui change le nom de sa série qui avait l'air vraiment d'avoir piqué un petit peu le concept de quelqu'un d'autre, mais ils disent que non. La nouvelle série jeunesse de Radio-Canada, campée dans l'ère préhistorique, ne s'intitulera pas Silex comme prévu, a confirmé le directeur des relations publiques et de la promotion Marc Pichette dans un court message envoyé à la presse cette semaine. Le titre de la quotidienne destinée aux enfants de 9 à 12 ans était quasiment identique à celui de la populaire série de BD française Silex and the City, publiée chez Dargo depuis 2009. La BD créée par Julien Bergeau, qu'on appelle aussi Jules, est une parodie de notre société vue par le prisme de l'âge de pierre, ce qui est exactement la même chose que Silex, la série télé. Je cite, cette décision a été prise pour éviter l'ambiguïté. Nous révélerons le titre en temps opportun lors du lancement de la série, a expliqué le directeur des relations publiques et de la promotion de Radio-Canada. L'auteur de la BD qui avait dénoncé le manque de professionnalisme du producteur Pixcom et de Radio-Canada dans cette affaire s'est réjoui de la volte-face du diffuseur public. Pixcom, qui produit l'émission, aurait fait un contrôle du titre au cours de la production, découvrant ainsi l'existence de la BD. C'est un hasard, qu'ils disent, hein? Même principe, même concept, même titre. Mais bon. Malgré les similitudes dans le titre et le sujet, le producteur n'a pas tenté d'obtenir les droits de chez Dargo, qui veille à la protection de l'œuvre de Jules. Radio-Canada, Pixcom et Dargo étaient en discussion depuis quelques semaines pour clarifier la situation. Depuis le début de l'imbroglio, Radio-Canada a toujours maintenu que le contenu de sa série, qui doit être diffusée en 2018-19 sur Radio-Canada Télé, n'a rien à voir avec la BD de Jules, qui est une saga familiale centrée sur la famille .com. La série écrite par David Leblanc, Marie-Louise Chouinard et Anne-Hélène Prévost met en scène deux clans, les Pierre et les Rock, qui doivent cohabiter sur une même montagne. Elles mettent en vedette notamment Geneviève Schmidt, Florence Lompré et Jonathan Caron. On va sur le câble québécois avec Anne-France Goldwater qui va à la rescousse de couples en péril pour Canal Vie. Aux prises avec des conflits ou des questionnements, les couples du Québec pourront se tourner vers Anne-France Goldwater afin de régler leurs problèmes. À cet automne, l'avocate animera une nouvelle émission, oui, dont le titre provisoire est Opération Médiation sur les ondes de Canal Vie. Celle qui compte plusieurs années d'expérience dans le milieu de la justice, mais aussi en télé, avec l'arbitre évidemment, pense que certains différends conjugaux ne devraient pas mener à la fin d'une relation. Au cours de chacun des 13 épisodes proposés en format de 60 minutes, Anne-France Goldwater sera épaulée par un psychologue. Les tournages auront lieu d'ici juin, en fait, en juin. D'ici là, les couples intéressés peuvent s'inscrire à l'adresse canalvie.com. On va à TVA Sport avec un talk show matinal 100% sport à TVA à partir du 9 avril. Les chaînes TVA Sport mettront en onde leur programmation printanière à compter du 9 avril. Les amateurs pourront profiter des séries de la LNH, bon, grâce au contenu original qui les amènera au cœur de l'action. Hein. Pour l'occasion, les chaînes de TVA Sport seront débrouillées jusqu'au 17 avril. C'est déjà commencé depuis le 15 mars. Chaque matin dès 6h, TVA Sport proposera un talk show matinal 100% sport animé par Charles-Antoine Sinotte et Jean-Philippe Bertrand. L'émission fera un retour sur tous les matchs disputés la veille. Les fans pourront même échanger en direct. Renaud Lavoie, Marc-André Perrault et Elisabeth Rancourt partageront faits saillants, entrevues avec les entraîneurs et échos de vestiaire. En plus de la saison de la LNH, l'émission abordera le soccer de l'Impact, la boxe, le baseball ou encore le hockey de la LHJMQ. On pourra aussi suivre le talk show en ligne et sur l'application mobile de TVA Sport. Le midi, bulletin complet d'actualité bien sûr autour du sport et le retour à la maison à partir du 9 avril. Ce sera le retour de Destination Coupe Stanley dans une nouvelle formule qui va être diffusée en semaine du lundi au vendredi dès 17h et le samedi avant les matchs. Pour les soirées, vous pouvez aller voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. Évidemment, on a encore Dave Morissette en direct à la fin de la soirée. Chez Music Plus, maintenant, on met fin au règne des barmaids. Ouais, le groupe V-Media avait annoncé vouloir retravailler les grilles horaires de certaines de ses chaînes pour leur redonner un côté plus familial. On a annoncé, évidemment, on en parlait il y a quelques semaines, le retour de la Guerre des clans animé par Jean-François Brault maintenant. Le diffuseur avait affirmé que certaines émissions plus audacieuses lui avaient fait mal, notamment Célibataire et Nu, présenté à Music Plus, qui a fait fuir les annonceurs. Hugo Dumas a confirmé dans la presse que l'émission Barmaids passe aussi à la trappe. Le docu-réalité signé Simon Sachel, qui mettait en vedette des Barmaids, emportait pour quand même un bon succès auprès du public de Music Plus et des critiques même, quand même. La deuxième saison était apparemment plus lourde que la première, où on abordait entre autres la violence conjugale. Bref, certains sont déçus. Hein? Mais il y aura d'autres projets hein, quand même avec le réalisateur de Barmaid. D'ailleurs, un projet olé olé, nous dit-on, avec la chaîne Z. Ensuite, TFO 24/7 renforce son identité et ses valeurs tout en passant à 100% web. Diffusé initialement à la télé et sur le web, le magazine TFO 24/7 du groupe Média TFO se repositionne et devient 100% numérique. À cette occasion, le magazine renouvelle son identité visuelle avec un nouveau logo, entre autres. TFO 24/7 qui souhaite renforcer ses liens avec les communautés en arborant une plateforme dynamique et moderne. Ils offrent des reportages et des entrevues décalées, drôles et ludiques, dit-il, partageant les histoires et le quotidien des Franco-Ontariens. On va à l'international, mais via le Québec, avec Apparence, qui s'en va en France. Hein, on se rappelle peut-être, moi je m'en rappelle parce que j'ai adoré cette série-là, mais les secrets, très longtemps entretenus par une famille, marquée d'un drame terrible. C'était à l'hiver 2012 que plus de 900 000 téléspectateurs assidus ont cherché Manon en suivant la série Apparence, la deuxième série de Serge Boucher après la célèbre et tout aussi bonne Aveu à Radio-Canada. Donc voilà les jumelles bérubées françaises. Hein? C'est l'adaptation du thriller psychologique attendu pour l'automne sur France 3. C'est à Alsace en ce moment qu'on tourne la saison française. Même chose pour Like Moi. Hein, les gens, les Français vont pouvoir voir les sketchs des personnages de Like Moi sur la chaîne France 4 qui a programmé en fait dès dimanche dernier, le 18 mars, une adaptation de la série humoristique sur la génération Y créée à Télé-Québec en 2015. On nous dit chez la presse encore que la nouvelle version reste assez proche de l'original avec les mêmes factures visuelles et le même indicatif musical. Tout ce qui change, c'est l'accent. Hein? France 4 diffusera 12 épisodes. Ils ont collaboré avec les Belges de la RTBF et les Suisses de la RTS. L'émission est déjà au petit écran dans ces deux pays. L'auteur-concepteur de Like Moi, Marc Brunet, est associé à divers projets télévisuels à succès, dont certains qui ont été exportés en France. Vous pouvez aller voir un extrait, si ça vous intéresse. Sandy Sanchez, c'est la version française de Gabi Gravel, dans l'article sur assemblagerequis.com. Voilà pour le premier bloc de Télévision. On en fait un deuxième tantôt avec les États-Unis et le web. Tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute une pièce de Amateur LSDJ. Voici Battlefield, MPS le Mathieu Plante Show. Mathieu Plante Show. On continue avec une deuxième portion de Television. On était rendu à parler des États-Unis et de remake avec, on en parlait la semaine passée, un petit peu du retour potentiel de Buffy contre les vampires. Selon Pink News, Buffy the Vampire Slayer serait sur le point de devenir la prochaine série culte à avoir droit à un redémarrage. Le président du groupe Fox a laissé entendre que la compagnie est en pourparlers sur l'avenir de la série culte des années 90 qui a duré plus de 6 ans avant de se terminer en 2003. Elle s'exprimant lors de la conférence InTV à Jérusalem, le président du groupe Fox TV, Gary Newman, a déclaré que Buffy est probablement l'émission la plus réussie que nous avons présentée. C'est un sujet dont il parle, dit-il, souvent avec Joss Whedon, qui est l'un des plus grands créateurs avec lesquels on a travaillé, a déclaré Newman. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il n'annonçait pas tout de suite un retour définitif parce qu'il ne sortirait pas de l'immeuble vivant s'il le faisait. Il a ajouté que lorsque Joss décidera qu'il est temps, nous le ferons. Et sans la confirmation de Joss pour le redémarrer, ça n'arrivera pas. Le réseau a récemment relancé The X-Files, 24 et Prison Break. Newman a expliqué que la décision de ramener ces séries était en grande partie prise si le créateur revenait sur le réseau et disait qu'il avait une autre histoire à raconter. Buffy est une des séries préférées des fans de la communauté LGBTQ, entre autres. Ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi est-ce qu'on dit ça dans l'article? Je ne sais pas. Donc, le retour de Buffy contre les vampires. Ensuite, justement, parlant de retour, Will and Grace, NBC réitère son engagement envers la série avec une 11e saison. En faisant revivre Will and Grace après des années d'absence, la chaîne américaine NBC ne s'attendait pas à attirer aussi rapidement, en moyenne 5 millions de téléspectateurs par épisode. Alors que la 9e saison, oui, se terminera en avril et que la 10e est attendue pour l'automne 2018 avec 13 épisodes. Le réseau à l'origine de l'émission est donc en train de commander une 11e saison pour l'automne 2019 avec 18 épisodes. La saison 10 bénéficiera également de plus d'épisodes que prévu. L'émission créée par David Cohen et Max Muchnick est composée de Eric McCormick, Deborah Messing, Megan Mullally, Sean Hayes et plusieurs autres. Toujours chez les retours, oui, on ramène Le Banquier version US avec toujours Howie Mandel, mais cette fois-ci sur la chaîne financière CNBC. CNBC, quand même, on ne s'attend pas à une émission comme celle-là de jeu concours, si on veut. Howie Mandel qui va être de retour comme animateur de cette émission qui a été diffusée à l'origine entre 2005 et 2009, aux heures de grande écoute sur NBC, le réseau mère. CNBC devrait commencer la diffusion dans le quatrième quart de cette année. On ne sait pas encore si ça va être une version hebdomadaire ou quotidienne, parce qu'il y a eu les deux aux États-Unis. On avait eu une version hebdomadaire et une version quotidienne d'une demi-heure. Hebdomadaire, c'était une version d'une heure. Bref, ça va parler bien sûr d'argent, hein, comme CNBC le fait. Ils ont déjà des émissions de télé-réalité avec, entre autres, Shark Tank, qui est leur équivalent de Dans l'œil du dragon, c'est ça? The Profit aussi, entre autres. Donc Deal or No Deal qui revient, un jeu où on espère gagner aux États-Unis $1 million. Il y a aussi eu deux saisons en syndication, comme on l'appelle, donc les jours de semaine sur des stations qui pouvaient acheter l'émission, donc c'était pas sur un grand réseau. Ça c'était entre 2008 et 2010, alors que la version d'origine était de 2005 à 2009. Ensuite, hein? On parle de Rick and Morty. On a parlé la semaine passée qu'il y avait une version québécoise, en tout cas doublée au Québec, qui s'en venait. Mais maintenant, on apprend que la version américaine va être terminée après la prochaine. Donc, le co-créateur de Rick and Morty, Dan Harmon, a confirmé sur Twitter que Cartoon Network n'a pas renouvelé la série pour une 4e saison. En répondant à un fan qui demandait que Harmon finisse d'écrire la saison suivante, il a dit que, Colin, c'est difficile d'écrire une saison qui n'a pas été commandée. Hein? Un fan l'avait traité d'alcoolique paresseux pour ne pas avoir déjà terminé la saison 4, comme si c'était vraiment lui qui décidait. Harmon a été très ouvert au sujet de son alcoolisme par le passé. Donc, quand même, ça devait faire mal un petit peu. Hein? On apprenait en décembre que la saison 4 était dans les limbes. Et à l'époque, un ancien auteur de la série, Ryan Ridley, avait laissé entendre que personne ne travaillait en ce moment sur la saison 4. C'est pas la première fois donc que la série est en suspens, mais quand même, celle-là, ça pourrait être la bonne. La quatrième saison qui n'aurait pas lieu. Ensuite, Constantine sera régulier dans l'hypothétique saison 4 de Legends of Tomorrow. Pour les fans de John Constantine, c'est le personnage incarné par Matt Ryan à la télé. Il devrait être de retour en tant que régulier dans la saison 4 de Legends of Tomorrow si CW, la chaîne, décide de commander une autre saison. Rappel de l'historique compliqué du personnage de Matt Ryan depuis 2014. Il est apparu au début sur CBS dans sa propre série, Constantine. Celle-ci a été annulée après la première saison, faute de succès. Ensuite, le chasseur de démons et maître de l'occulte a fait plusieurs apparitions dans les séries DC de CW, donc Arrow et Legends of Tomorrow. L'acteur a également prêté sa voix pour la version animée de Constantine dans le film d'animation Justice League Dark l'an dernier. Chose qu'il va refaire d'ailleurs dans une série animée dédiée à Constantine sur CW Seed. C'est la plateforme en streaming de la chaîne. Bref, si le personnage revient également à la rentrée prochaine dans Legends of Tomorrow, les fans de ce dernier et de son acteur devraient être ravis. Pourquoi pas sinon, tant qu'à faire, ramenez donc la série au complet de Constantine. Ça a l'air de marcher si vous êtes tout le temps en train de ramener le personnage. Je sais pas. Bref. On va chez CNN maintenant, où Chris Cuomo déménage en prime time. Oui, c'est CNN qui a l'air d'être assez heureuse des résultats de l'émission en prime time de Chris Cuomo à 21h. Il y avait eu deux périodes de test. Et bien maintenant, ça va être permanent et il va déménager de l'émission du matin. Donc Cuomo va jouer contre Rachel Maddow sur MSNBC et Sean Hannity sur Fox News, qui avait changé de case horaire après que Bill O'Reilly avait été renvoyé. Bref, CNN dit que Chris Cuomo va être remplacé par John Berman pour l'émission du matin New Day. Berman qui animait CNN Newsroom avec Poppy Harlow, donc une émission plus tard le matin. Cuomo a commencé à animer cette émission-là en remplacement en janvier. Ça s'appelle Cuomo Prime Time. Ça a été diffusé à 21h. Il faisait les deux pendant le test, donc il animait et le matin pendant 3h et le soir pendant 1h à 21h. C'est des grosses journées quand même. Et puis ben, lui qui fait la controverse, bien sûr, et qui fait des entrevues qui frappent. Voilà. Cuomo qui a joint CNN en 2013. Avancé, il était chez ABC News où il avait animé 2020, le magazine de nouvelles, et qui avait co-animé aussi Good Morning America, leur émission du matin. Donc voilà pour Chris Cuomo et CNN. On va chez Fox Sports. Si vous aimez les quilles, Fox Sports va diffuser les quilles. Ben oui. La PBA Tour qui va diffuser sur le réseau et sur FS1, donc Fox Sports 1, à partir de l'an prochain. La Professional Bowlers Association a annoncé que Fox Sports va diffuser Go Bowling PBA Tour à partir de l'an prochain. Les événements vont être diffusés aux heures de grande écoute, donc en prime time, et ça va permettre un tournoi façon bracket à la basketball pendant plusieurs semaines. On va diffuser des matchs, des parties, des games, je sais pas, de 2 heures. Il va y en avoir 4 sur le réseau Fox principal et 25 sur Fox Sports One, et chacune d'entre elles vont être diffusées en streaming sur Fox Sports Go. Ensuite, des casques de projection spatiaux pour visionner la nouvelle série de National Geographic, la chaîne qui a fait construire des casques de projection curieux pour promouvoir sa nouvelle série One Strange Rock, qui rend hommage à la Terre vue de l'espace. Réalisé par Darren Aronofsky, qu'on connaît pour Noé et pour Requiem for a Dream, et avec la narration de Will Smith, la série documentaire racontera l'histoire de la Terre à travers le regard d'un groupe d'astronautes ayant vu la planète depuis l'espace. Donc, une expérience surprenante qui a eu lieu apparemment à New York à l'occasion de la présentation de la série à la presse. C'est donc avec un casque rappelant celui des astronautes. Je dirais en fait que ça ressemble plus au casque des salons de coiffure, là, tu sais. Bref, diffusé sur un écran courbé à l'intérieur. C'est là qu'on diffuse le premier épisode. National Geographic a travaillé avec Tomorrow Lab en se basant sur les casques de la NASA pour livrer une expérience personnellement... une expérience personne proche d'un mini Omnimax ou un IMAX Dome. Voilà, c'est comme si on avait un petit écran juste devant les yeux. Les personnes ont pu tester le dispositif et parlent d'une expérience surprenante mais immersive. Et donc, One Strange Rock, c'est sur National Geographic Channel. On va à l'international un petit peu avec Olive et Tom, le retour au Japon pour la Coupe du Monde en Russie. Olive et Tom, c'est un animé culte des années 80 et ils reviennent sur les écrans de télévision japonais à l'occasion de la Coupe du Monde de football en Russie. À l'occasion pour les fans de découvrir les nouvelles aventures de Olivier Hatton, Thomas Price, Ben Becker, Mark Landers et les jumeaux Derek. Olive et Tom, Captain Tsubasa de son titre original, raconte une histoire de football et d'amitié entre les jeunes garçons Olivier Hatton et Thomas Price. Entre passes titanesques et filets pulvérisés par des tirs surpuissants, la série a été diffusée entre 1983 et 86 sur TV Tokyo, puis à partir de septembre 88, ça doit être en France, ouais. Bref, le remake sera diffusé cette année sur la chaîne qui les a rendus célèbres, aux alentours de la Coupe du Monde en Russie, pour profiter de l'engouement général. Cette nouvelle série reprendra au début de la carrière de Olivier Thomas. Les épisodes seront réalisés par Toshiyuki Kato, et la date de diffusion précise au Japon n'a pas encore été communiquée. Sur YouTube, maintenant, la série animée Marvel Black Panther est maintenant disponible sur YouTube pour les fans qui apprécient le film de Black Panther, qui a contribué à la remettre sur la map pas mal. Marvel avait créé cette série d'animation pour Black Panther en 2011. 6 épisodes qui donnent vie aux bandes dessinées. Il y a Jimon Usu T'Challa, T'Challa. C'est une autre personne, je pense. Hein. Jimon Usu, ensuite T'Challa. Il y a aussi Kerry Washington et Alfred Woodard. Il y a même Stan Lee qui fait une petite apparition et qui prête sa voix au général Wallace. Chaque épisode dure environ 20 minutes et les 6 sont maintenant sur YouTube. Donc allez-y, parassemblagerequis.com si ça vous intéresse. Et pour terminer ce bloc de Television, Samsung crée un site web d'hypnose, d'auto-hypnose, pour pouvoir oublier vos séries télé préférées, pour pouvoir les regarder de nouveau sans savoir déjà ce qui s'en vient. Ah, Unspoil Me, un site web créé par Samsung qui vous guide dans un programme d'auto-hypnose de 23 minutes pour pouvoir oublier complètement vos émissions de télé préférées. Est-ce que ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Il y a un petit texte en bas de l'écran qui dit que c'est pour le divertissement seulement, mais quand même, si ça vous intéresse, c'est samsung.com/se/unspoilme. Et le lien est aussi sur assemblagerequis.com. Voilà pour Television. Prochaine chose qu'on va faire, ce sera Merci Science, mais avant ça, par contre, un petit peu de musique. C'est les gens de chez Chiptunes Win, oui, un groupe qui a décidé d'inverser le processus qu'on prend habituellement. Des fois, on va prendre des chansons d'artistes connus et on va les refaire en chiptune, tu sais. Ici, ils font le contraire, ils prennent des chansons chiptune et ils demandent à des artistes de couvrir ça, de faire des covers avec des vrais instruments. Ça s'appelle Chiptunes WTF LOL, c'est un album en 6 pièces qui dérive un petit peu de leur précédent format. Ça, c'était, ça existait déjà. Maintenant, de nos jours, on a fait un nouvel album de 11 pièces qui s'appelle Chips Equals Flipped. Donc, c'est le même processus. On prend des pièces de chiptune et on les refait avec des instruments. Il y a des gens connus là-dedans dans le domaine des chiptunes, dont DJ Cotman, Stimage, Viking Guitar et plusieurs autres. Donc, ça a pris quand même du temps à travailler là-dessus et on va entendre quelques pièces. On commence avec Ali Sean. Voici Can't Stop Us tout de suite au Mathieu Plante. East West, précédé de Hillshawn avec Can't Stop Us sur l'album Chips Flipped par Chiptunes Wind. J'ai toute la misère à dire Chiptunes, pourtant je le dis mille fois par émission. Ah ben non, c'est Merci Science. Merci Science, qui est la chronique qui remercie la science d'exister. On commence par les cerveaux, petit bloc thématique. Soutenir par la main ferait synchroniser nos cerveaux et apaiserait la douleur. Le simple fait de tenir la main d'une personne qu'on aime aurait un pouvoir tout à fait insoupçonné. Ça provoquerait la synchronisation des cerveaux et permettrait d'apaiser la douleur éventuelle chez l'un des partenaires, selon une étude. Pavel Goldstein de l'Université de Colorado à Boulder, Eric Weissman-Fogel et Simone Chemet-Tsuri de l'Université de Haïfa et Guillaume Dumas de l'Institut Pasteur rappellent tout d'abord dans leur étude les bienfaits du toucher dans la communication interpersonnelle. Impersonnel. Il a déjà été prouvé que celui-ci peut réduire le stress et la douleur chez l'humain. Le pot à pot chez les bébés en est un bon exemple. Les chercheurs ont équipé 22 couples entre 23 et 32 ans d'un électroencéphalogramme pour suivre leur activité cérébrale. Les deux partenaires ont alors été placés dans différentes situations, tantôt assis côte à côte sans se toucher, tantôt dans deux pièces séparées ou encore en se tenant les mains. Dans un second temps, même situation, mais l'un des deux partenaires était soumis à un stimulus douloureux sur le bras, la chaleur dans ce cas-ci. En présence de son partenaire, avec ou sans contact physique, les chercheurs ont constaté une synchronisation de certaines ondes cérébrales dans les fréquences alpha-mu, caractéristiques notamment de la focalisation de l'attention, et c'est plus intense encore lorsqu'ils se tiennent les mains, et davantage encore si l'un d'eux souffre. Les résultats indiquent que tenir la main pendant la douleur augmente le couplage cerveau-cerveau, qui est lui-même corrélé à l'amplitude de l'analgésie et à l'empathie du partenaire. Ces résultats apportent une contribution unique à notre compréhension des mécanismes physiologiques de l'analgésie liés au toucher, disent-ils. Ensuite, toujours chez le cerveau, la conscience localisée par des scientifiques de Harvard. Donc, c'était en novembre 2016 que cette étude-là est sortie. C'est une équipe américaine, une située en novembre 2016. Oui, on relatait une étude sur la localisation des régions du cerveau qui serait le siège de la conscience. Il y en a trois, selon une équipe américaine. L'une située dans le tronc cérébral qui est reliée aux deux autres situées dans le cortex. Cette découverte réalisée sur des personnes dans le coma ou dans un état végétatif pourrait aider à trouver de nouveaux traitements pour ces patients. Définir la conscience, c'est pas simple. C'est une notion se trouvant au carrefour de plusieurs disciplines. Biologie, psychanalyse, philosophie. Les anglo-saxons, oui, utilisent même deux mots liés à deux concepts différents pour la conscience. Il y a la conscience dite « consciousness » qui se décompose en deux composantes. L'éveil, ce qu'on appelle « arousal », et la conscience dite « awareness ». En psychothérapie, l'awareness décrit une conscience de soi qui tient compte de l'expérience du corps et des émotions ressenties. La consciousness, elle, est plutôt une conscience réflexive, attentive, qui se pose pour observer et met des mots sur l'awareness, qui se situe donc plus en amont à la prise de conscience, décrit ainsi le passage de l'awareness à la consciousness. Est-ce qu'on se comprend? Mais en neurologie, où siège la conscience, où siège la conscience dans le cerveau, pour ce qui est de l'état d'éveil, le arousal, il est contrôlé par le tronc cérébral, la partie du système nerveux central qui relie le cerveau à la moelle épinière. La localisation de la conscience, donc l'awareness, était plus floue jusqu'à présent, même si elle était plutôt pressentie comme étant quelque part dans le cortex. Grâce à des chercheurs de Harvard, on connaît désormais non seulement la région précise du tronc cérébral liée à l'éveil, mais aussi les deux régions du cortex qui travaillent ensemble pour former la conscience. Pour en arriver là, l'équipe a étudié 36 patients qui avaient des lésions du tronc cérébral, dont 12 étaient dans le coma et 24 étaient conscients. Ces travaux qui sont présentés dans la revue Neurology. Les chercheurs ont trouvé qu'une petite région du tronc cérébral, appelée le tegmentum pontique, était associée avec le coma. 10 des 12 patients inconscients avaient des lésions dans cette zone et seulement un chez les patients conscients. Cette petite région du tronc cérébral est donc importante pour la conscience. Pour savoir quelle région du cortex était connectée au tegmentum pontique, les chercheurs se sont servis d'une carte cérébrale d'un cerveau en bonne santé. Ce connectome qu'on appelle permet de voir les différentes connexions cérébrales connues. Les chercheurs ont ainsi identifié deux aires du cortex liées au tegmentum pontique, l'insula antérieure ventrale et le cortex singulaire antérieur prégénual. Les chercheurs ont alors vérifié leurs résultats grâce à des IRM fonctionnels de 45 patients dans le coma ou dans un état végétatif. Ils ont montré que chez eux, le réseau était rompu entre les trois régions identifiées. Cette recherche pourrait donc aider à trouver de nouveaux traitements pour les patients qui sont dans le coma ou dans un état végétatif afin qu'ils reprennent conscience. Toujours dans le domaine du cerveau, comment les enfants apprennent-ils à lire? Des chercheurs ont étudié comment une zone du cerveau servant à la reconnaissance des mots se développe à ce moment crucial de leur scolarité. C'est marqué, donc, c'était ce moment-là de la vie par une étape importante dans la vie scolaire et intellectuelle des enfants. Le moment où ils apprennent à lire. Mais comment le cerveau des enfants s'adapte-t-il pour acquérir cette nouvelle compétence? Donc, des scientifiques de l'Institut Neurospin, dirigé par Stanislas Dahen, ont suivi pendant une année scolaire 10 enfants. Tous les deux mois, les enfants sont venus à l'Institut pour un test. Ils devaient regarder des images, des visages, des mots et des lettres et appuyer sur un bouton le plus vite possible lorsqu'ils voyaient un personnage dénommé Charlie. Alors, en même temps, une IRM fonctionnelle était réalisée. Chaque catégorie d'images, donc objets, visages et autres, active une région particulière du cerveau. À partir de fin novembre, les chercheurs ont observé chez certains enfants qu'une région qu'ils appellent, dans un communiqué, la boîte aux lettres, était plus souvent activée pour la reconnaissance des mots que des images. Pour d'autres enfants, ça prenait plus de temps et dépendait de leur performance de lecture. À la fin de l'année, quand la lecture est bien acquise, seules deux régions du cerveau étaient activées par les mots. La boîte aux lettres, dans l'hémisphère gauche, qui reconnaît les lettres, oui, qui reconnaît les lettres, contrairement à moi en ce moment, et une région servant à la conversion des lettres en sons, située dans les régions temporales. Les chercheurs se sont ainsi demandé à quoi servaient ces régions cérébrales avant que les enfants apprennent à lire. En effet, la nouvelle boîte aux lettres apparaît dans une région qui était peu spécialisée auparavant, mais le développement des fonctions liées à la lecture dans l'hémisphère gauche entre en concurrence avec celui de la région qui répond au visage dans cet hémisphère. Dans l'hémisphère droit, donc cette compétition entre le développement des ondes n'existait pas. Ces résultats sont parus dans PLOS Biology et montrent donc que l'apprentissage de la lecture augmente l'asymétrie entre les deux hémisphères cérébraux. Oui. Pour en savoir plus, il y a un article qui s'appelle « Pour lire, le cerveau coordonne l'activité de plusieurs régions ». C'est sur assemblagerequis.com. Ensuite, vaut-il mieux avoir un gros ou un petit cerveau? Le fait d'avoir un gros cerveau, il y a des millions d'années, pouvait conférer un avantage évolutif. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse qui est observée. Les mammifères à gros cerveau sont plus souvent menacés d'extinction, une tendance qui concernerait surtout les petits mammifères. Longtemps, la taille du cerveau apparaissait comme un avantage évolutif car elle était associée à de meilleures capacités cognitives et donc à une faculté à s'adapter à des conditions difficiles en faisant travailler ses neurones. Mais une nouvelle recherche d'un chercheur de Stanford suggère que les mammifères ayant de gros cerveaux ont plus de risques de disparaître. Dans cette étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, Eric Abelson a calculé la taille relative du cerveau chez des centaines de mammifères actuels en comparant la taille du cerveau à celle de l'animal. Il a ensuite regardé dans la liste de l'UICN si ces mammifères étaient en danger. Il a alors trouvé que ceux qui avaient une taille relative de leur cerveau plus élevée avaient plus de risques d'être menacés d'extinction. La pire situation était rencontrée par les mammifères de petite taille. Le rapport bénéfice et coût n'était pas le même chez les petits et les grands mammifères. Cette découverte est tout de même surprenante, nous dit-on. La recherche a souvent montré qu'un cerveau plus grand permettait un avantage cognitif et donc une capacité à trouver des solutions dans un nouvel environnement. Mais il y a un prix à payer pour cet avantage. Oui, le tissu nerveux est très coûteux en énergie. Les animaux doivent donc manger plus pour l'alimenter ou passer moins de calories dans d'autres tâches qui peut-être seraient plus utiles à la survie. Cette découverte arrive à un moment où la faune semble connaître une sixième crise d'extinction de masse à cause des activités humaines. Le résultat de la recherche pourrait donc aider à mieux définir quelles espèces sont en danger d'extinction et quelles sont celles qui tireraient le plus de bénéfices de mesures de conservation. Les stratégies de conservation devraient donc cibler en particulier les espèces de petite taille à risque. Allons-y avec Stephen Hawking et la preuve peut-être des univers parallèles. On se rappelle le 14 mars dernier, oui, s'éteignait Stephen Hawking, astrophysicien et génie mondialement connu et apprécié. La communauté scientifique tout entière a rendu hommage au chercheur qui a révolutionné la physique durant toute la deuxième moitié du 20e siècle. Mais il semblerait que Stephen Hawking préparait une nouvelle révolution, un article qui devrait être publié dans les mois à venir. L'article a été coécrit avec Thomas Hertog, professeur de physique belge dont Hawking a été le directeur de thèse, et c'est intitulé, je cite, « Une sortie douce de l'inflation éternelle ». A smooth exit from eternal inflation. Les dernières révisions validées par Stephen Hawking ont été soumises le 4 mars, 10 jours à peine avant sa mort. La communauté scientifique qui va avoir les yeux rivés sur ce nouvel article dont on trouve la trace sur le site Arxiv. Et pour une bonne raison, il devrait une nouvelle fois révolutionner la physique. Hein? Et on sait que Hawking, bien qu'ayant le sens de l'humour, n'aurait pas publié un article de ce type sans être quasiment certain de ses résultats. Dans l'article, Hawking et Hertog proposeraient tout simplement une technique pour prouver l'existence d'univers parallèles. Pour ce faire, d'une part car le sujet est extrêmement compliqué et d'autre part l'article n'a pas encore été publié, Hertog et Hawking estiment que l'existence des univers parallèles est mesurable. La preuve se trouverait dans la radiation rémanente du Big Bang. Selon eux, bien que le papier soit purement théorique, une sonde spatiale équipée des capteurs adéquats pourrait être en mesure de capter cette radiation et donc de prouver l'existence des univers parallèles. L'article est déjà considéré comme pouvant être une révolution dans le champ de recherche puisque, si on en croit Thomas Hertog, il veut transformer l'idée d'un multivers, donc un multi-univers, en un cadre scientifique qu'il est possible de tester. Une fois vérifié et publié, l'article pourrait donc ouvrir la voie à un champ de recherche encore inconnu. Pour certains spécialistes, l'article serait si important et si révolutionnaire qu'il pourrait qualifier Thomas Hertog pour le prix Nobel. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Stephen Hawking parce que le règlement du prix Nobel stipule qu'il est impossible de le donner à titre posthume. C'est triste quand même. À moins qu'une exception soit faite, peut-être à titre symbolique, pour l'un des plus grands esprits du 20e siècle. Parce que non, il n'y a pas eu de prix Nobel encore, faut croire. Hein? Parlons maintenant de patients qui recouvrent la vue grâce à des cellules souches. Une équipe de chercheurs britanniques et américains a annoncé avoir restauré la vision chez deux personnes atteintes de DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les scientifiques ont utilisé des cellules souches embryonnaires pour créer un tissu rétinien qu'ils ont greffé aux patients. Une équipe de chercheurs britanniques et américains a annoncé avoir restauré, grâce à des cellules souches, la vision chez deux personnes âgées atteintes de cette maladie dégénérative assez courante. Chez ces volontaires, un octogénaire et une sexagénaire britannique malvoyant. Leur établissement a été spectaculaire, a expliqué dans un communiqué l'hôpital de Moorfields à Londres. La maladie dont ils sont atteints, comme je dis, la DMLA, humide, entre guillemets, trouble la vision ou provoque un angle mort dans le champ visuel. Cette maladie est due à l'apparition... Voyons, je départ tellement aujourd'hui. Cette maladie est due à l'apparition anormale de vaisseaux sanguins qui font couler dans l'œil des fluides, lesquels endommagent une couche de cellules appelées épithélium pigmentaire rétinien. Les dégâts sur la rétine tuent les cellules photosensibles. Les chercheurs du London Project to Cure Blindness, donc un projet londonien pour guérir la cécité, ont utilisé des cellules souches embryonnaires pour développer sur un petit échafaudage de plastique des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. Ils ont ensuite transplanté ces tissus lors d'une opération durant 1 à 2 heures chez deux volontaires. L'étude qui décrit cette technique dans la revue Nature Biotechnology reste d'un champ limité avec seulement 2 patients, mais même si on est toujours à la phase expérimentale, ce sont des résultats encourageants, dit un chercheur en cellules souches. Ces cellules souches, avec leur capacité à proliférer et à se renouveler, et pour certaines à donner naissance à n'importe quelle cellule du corps, promettent des avancées spectaculaires à la médecine régénérative. Comme elles doivent provenir d'une greffe extérieure, elles peuvent cependant provoquer une réponse inattendue du système immunitaire, être rejetées ou même favorisées des cancers. On reste en médecine avec des rats paraplégiques qui remarchent. Stimulation électrique et rééducation assistée par un robot ont permis à des rats paralysés de réapprendre à marcher. Grâce à ces techniques, des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ont provoqué la formation de nouvelles connexions nerveuses. Dans cette expérience décrite dans la revue Nature Neuroscience, des rats rendus paraplégiques ont réappris à marcher grâce à une thérapie associant 2 méthodes. La première est une stimulation électrochimique de la moelle épinière, une injection de molécules et une stimulation électrique au-dessus de la lésion de la moelle épinière pour activer les muscles des jambes. La seconde approche est une rééducation assistée par un robot avec un harnais de soutien connecté qui allège le poids de l'animal. Les rats ont ainsi retrouvé l'usage de leurs pattes, qui avaient été paralysées après une lésion de la moelle épinière. Les chercheurs de l'EPFL ont aussi comparé le cerveau de rats sains et des rats paraplégiques qui avaient réappris à marcher. Ils ont observé une réorganisation des connexions neuronales au-dessus de la zone de lésion. Le message moteur cérébral a pu utiliser d'autres voies nerveuses que celles qui avaient été endommagées. Grâce à la thérapie, de nouvelles connexions se sont mises en place entre le cerveau et la moelle épinière après la lésion. Mais cette thérapie qui fonctionne chez l'animal peut-elle être appliquée à l'homme? Eh bien, l'équipe réalise actuellement des tests sur des personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière au Centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV. Et pour terminer, une alternative respectueuse de l'environnement au polystyrène. Aussi pratique et répandu soit-il, le polystyrène est extrêmement nocif pour l'environnement. Aujourd'hui, des chercheurs de l'Université du Maryland, College Park, ont mis au point le nano-wood, une alternative respectueuse de l'environnement. Le nano-wood qui offre une formidable alternative en ce qui concerne l'isolation thermique. Il peut être placé entre d'autres matériaux isolants, dans la construction d'une maison par exemple, et réduire ainsi considérablement les coûts. Pour créer le nano-wood, les scientifiques ont retiré certains composants naturels du bois, comme la lignine, qui lui donne cet aspect brun et sa rigidité, et aussi l'hémicellulose. Voilà. Un résultat, un morceau de bois blanc, mais moins apte à conduire la chaleur et de fait plus isolant. Le nanowood est aussi plus léger que certaines alternatives actuelles, tout étant plus résistant. Il peut encaisser des pressions de 13 mégapascals, ce qui est 30 fois plus résistant que le matériau isolant le plus résistant disponible dans le commerce. Pour Liam Bing Hu, chercheur ayant participé au projet, dans le futur, le nanowood pourrait être utilisé dans la construction de gratte-ciel, de voitures et être utilisé pour protéger de l'électronique très sensible à la chaleur sur Terre comme dans l'espace. Et parlant d'espace, pour terminer ça, on a dit dans plusieurs médias que 7% des gènes de l'astronaute Scott Kelly ont été modifiés pendant son séjour dans l'espace. Un titre, bien sûr, accrocheur du clickbait, hein, surtout que la nouvelle venait de la NASA. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'il aurait fallu comprendre dans leur communiqué de presse, selon le détecteur de rumeurs de l'agence Science Press. L'origine de la rumeur, pour commencer, en 2015-2016, Scott Kelly a passé 340 jours à bord de la Station Spatiale Internationale, tandis que son frère jumeau Mark Kelly, qui est lui aussi astronaute, restait sur Terre. Une opportunité unique pour la recherche médicale, étudiée depuis 60 ans. Hein, on étudie depuis 60 ans les effets des séjours dans l'espace sur la physiologie humaine, mais jamais on n'aura eu la chance d'avoir sous la main une paire de jumeaux identiques, prêts à se plier aux tests nécessaires. Certains impacts étaient prévisibles, par exemple à son retour en 2016, Scott Kelly mesurait presque 5 cm de plus que son frère et sa masse corporelle avait diminué. C'est l'effet régulièrement observé de l'absence de gravité sur la colonne vertébrale d'une part et sur les muscles de l'autre part. Un impact sur les gènes était également prévisible aux yeux des experts, au point où la NASA n'y faisait que brièvement allusion dans son communiqué de presse. Cette brève allusion a été mal interprétée par certains et l'information a été déformée. Et c'est devenu viral, bien sûr, suite à un article du magazine Newsweek le 9 mars. Bref, Scott Kelly n'est pas un humain génétiquement modifié. Non, en aucun cas ne peut-on écrire que 7% de ses gènes ou de son ADN ont été modifiés. C'est plutôt l'expression de 7% de ses gènes qui a été affecté par son séjour dans l'espace. L'expression des gènes désigne l'ensemble de l'activité des gènes au cours d'une vie. Par exemple, le fait de produire plus ou moins d'une certaine protéine pour répondre aux besoins de nos organes. Une branche de la génétique appelée épigénétique étudie justement cet aspect de la biologie. Quelles sont ces conditions qui font qu'un gène sera exprimé ou non? Ainsi, la cigarette altère l'expression de centaines de gènes, tout comme l'alimentation ou le stress. Au point où la NASA a senti le besoin de faire, cette semaine, plus récemment, un ajout à son communiqué de janvier. Je cite, « Mark et Scott Kelly sont toujours des jumeaux identiques. L'ADN de Scott n'a pas fondamentalement changé. Ce que les chercheurs ont observé sont des changements dans l'expression des gènes, qui est la façon dont votre corps réagit à votre environnement. Ceci est probablement à l'intérieur de la fourchette des humains soumis à un stress, comme le stress associé à l'alpinisme ou à la plongée sous-marine. Comme on peut déduire qu'un long voyage dans l'espace est un facteur de stress au moins aussi important que l'alpinisme, les chercheurs sont donc surtout intéressés à découvrir les changements qui sont spécifiques à l'espace et lesquels persistent à long terme. Ces premiers résultats devraient faire l'objet d'un article scientifique en bonne et due forme plus tard cette année, mais le verdict est quand même que Scott Kelly n'est pas devenu un mutant de l'espace, contrairement à ce que certains articles laissaient croire. Voilà pour le segment Merci Science. Dans quelques minutes, ce sera le segment Geek CLX, mais avant ça, on continue l'écoute de l'album Chips Flipped, qu'on a commencé tantôt, et on continue avec DJ Cutman. Voici Dolphins in Space. Tu vois comment le hasard fait bien les choses? J'avais même pas prévu que c'était cette pièce-là qu'elle allait jouer. C'est magique. Et c'est le Mathieu Planchot. C'était Family Jewels avec Rule, précédé de DJ Cartman avec Dolphins in Space, plutôt dans l'émission. Donc, c'est sur l'album Chiptunes, Chips, pardon, égale Flipped, où on prend les pièces de Chiptunes qui sont déjà sorties et puis on les refait avec de vrais instruments. Ah, maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Cynix, c'est la chronique où on parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Et on commence en intelligence artificielle parce que Microsoft a créé une intelligence artificielle aussi forte en traduction que professionnelle. Des chercheurs ont mis au point un système informatique passant du chinois à l'anglais avec le même niveau de performance qu'un traducteur humain dont c'est le métier. Microsoft avance à pas de géant en matière d'intelligence artificielle. C'est Zhuidong Huang, le responsable technique du langage naturel et de la traduction automatique de Microsoft, qui a supervisé les recherches dans trois laboratoires situés à Pékin, Redmond et Washington. Pour prouver les performances de leur système, les scientifiques lui ont fait passer un test reconnu par la communauté scientifique et intitulé News Test 2017. Ce dernier comprend environ 2000 phrases tirées d'un échantillon de journaux disponibles en ligne et déjà traduits par des professionnels. Des évaluateurs bilingues externes ont même été embauchés pour l'occasion afin de comparer les résultats obtenus par Microsoft avec des traductions humaines. Traduire représente une tâche complexe, oui, parce qu'on peut exprimer le même sens avec des mots différents sans qu'il soit toujours possible de certifier quel est le meilleur choix. Le défi a été relevé grâce au recours à un réseau de neurones profonds permettant d'obtenir une traduction plus fluide et naturelle qu'en se reposant sur la traduction automatique statistique, la première méthode utilisée au tout début de Google Traduction et qui consiste à se procurer des gigantesques bases de données bilingues pour établir des modèles. Mais les équipes de Microsoft ne se sont pas contentées du deep learning. Elles ont combiné de multiples méthodes calquées sur la façon dont procèdent les humains pour améliorer leur travail. Il y a d'abord le dual learning, une traduction inversée qui consiste à vérifier les résultats en traduisant dans le sens inverse, mais aussi les réseaux de délibération où le système répète encore et encore le processus de traduction de la même phrase pour affiner progressivement la réponse. Plus original maintenant, le joint training permet de stimuler les systèmes de traduction de l'anglais vers le chinois, donc les systèmes de traduction de l'anglais vers le chinois et du chinois vers l'anglais en accroissant le nombre de phrases contenues dans l'ensemble des données. Enfin, une dernière méthode baptisée Agreement Regularization qui permet de générer automatiquement de la traduction en faisant lire le système de gauche à droite puis de droite à gauche. Si ces deux techniques de traduction génèrent la même traduction, alors le résultat est considéré comme plus fiable que si elles n'obtiennent pas les mêmes résultats. Ces techniques devraient pouvoir être réutilisées dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle. Toutefois, les équipes de Microsoft restent modestes et annoncent qu'il va falloir compléter ces tests par d'autres traductions en temps réel avec un niveau de langage plus complexe et un vocabulaire plus recherché. Mais la société devrait pouvoir utiliser rapidement ses avancées pour améliorer ses outils de traduction déjà commercialisés. Et la prochaine étape sera de parvenir au même résultat avec des traductions orales. Maintenant, accepterez-vous de mourir pour transférer votre cerveau dans le nuage? Une jeune entreprise américaine pense avoir trouvé le secret de la vie éternelle, mais pour ça, par contre, il va falloir euthanasier les clients. Oui, et il y a même une liste d'attente. Next2Me ou Next2Home prétend pouvoir conserver les cerveaux intacts dans le but de transférer leur contenu dans un ordinateur. La promesse réside dans son procédé d'embaumement des cerveaux mis au point par ses deux cofondateurs, Robert McIntyre et Michael McKenna, deux ingénieurs diplômés du MIT. Le problème, c'est que les cerveaux doivent être encore vivants pour que l'opération soit un succès, et celle-ci est fatale dans 100% des cas. Hein? La procédure nécessite d'anesthésier le patient puis de pomper le liquide d'embaumement dans l'artère carotide du cou alors qu'il est encore en vie. Une fois refroidi, la solution d'embaumement créée par Nectome vitrifie le cerveau du patient, conservant toutes les synapses intactes. L'équipe a déjà testé son système sur un cerveau de lapin et un cerveau de porc, raflant au passage des prix totalisant 106 735 $ US pour avoir réussi à conserver les connexions synaptiques intactes dans l'ensemble des cerveaux. Quant au cerveau humain, messieurs McIntyre et McKenna ont eu accès à un corps donné à la science en février pour tester leur méthode. La personne étant décédée depuis 2h30, l'opération n'a pas permis d'obtenir un cerveau parfaitement préservé, mais il s'agit d'une première étape vers un test en conditions réelles. L'entreprise croit pouvoir aller de l'avant avec un premier embaumement sur un humain vivant en Californie, où la loi permet le suicide assisté pour les personnes en phase terminale. La technologie mise au point par Nectome comporte toutefois un autre problème de taille, c'est que pour l'instant, rien ne garantit que les cerveaux conservés puissent un jour servir à ramener une personne à la vie, physiquement ou virtuellement. Dans l'état actuel des connaissances, il est impossible de démontrer que la personnalité et les souvenirs d'une personne peuvent être conservés après sa mort, même avec la méthode de conservation de Nectome. Qu'à cela ne tienne, l'entreprise dit espérer mettre au point un premier réseau neuronal, donc une sorte de cerveau virtuel, à partir d'un cerveau humain en 2024. 25 personnes ont payé 10 000 $ US pour s'inscrire sur une liste d'attente pour faire embaumer leur cerveau par Nectome à leur mort. Et les futurs clients de l'entreprise ne sont pas les seuls à lui verser de l'argent. L'Institut national de la santé mentale des États-Unis lui a attribué une subvention de 960 000 $ US en indiquant voir dans cette technologie une avenue commerciale pour la conservation et la numérisation des cerveaux. Bien sûr, derrière tout ça, il y a un débat éthique et philosophique. Les détails sur assemblagerequis.com. Le machine learning pour de meilleures notifications sur nos téléphones. On sait que nos smartphones nous envoient un paquet de notifications, peu importe l'événement. Et si nos téléphones étaient assez intelligents pour savoir quelles notifications sont véritablement importantes? C'est ce sur quoi travaillent des développeurs de Taïwan grâce au machine learning. Le téléphone intelligent apprendrait les habitudes de son propriétaire pour savoir quelles notifications afficher et lesquelles cacher. Tonton Xin de Huang et Hong Yu Cao ont baptisé ce système Click Sequence Aware Deep Neural Network Based Pop-ups Recommendation. En fait, ils ont nommé ça comme ça pour pouvoir avoir l'acronyme C3PO. Plus ou moins, parce que c'est comme le haut dans le milieu de recommandations, ça a plus ou moins de sens, mais bon. Dans son fonctionnement, l'algorithme est similaire à ceux qui utilisent Facebook ou Instagram pour afficher les publications les plus pertinentes en haut. Le projet est quand même bien. L'avenir nous dira si les fabricants décident de l'intégrer dans leur plateforme ou non, évidemment. Ensuite, on se greffe une petite passe de transport en commun dans la main, hein, et on se fait arrêter. C'est un biohacker australien qui s'est lui-même greffé la puce de sa carte de transport dans la main. Il s'est fait arrêter par les contrôleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas présenter en pleine face son titre de transport. Ouais, c'est la leçon qui a appris donc le fait qu'on pouvait pas faire ça. C'est Miao Ludo Disco Gamma Miao Miao, un Australien de 33 ans, bien sûr. Miao Ludo Disco Gamma Miao Miao. Hein? Lui qui est spécialisé dans le biohack, soit le piratage de corps humain. Sa dernière expérience était de s'implanter lui-même la puce RFID de sa passe d'autobus dans la main pour pouvoir justement passer sa dernière sur les scanners dans le métro pour accéder au quai. L'expérience a fonctionné, puisque Miao Miao a pu accéder au transport sans avoir à sortir sa carte opale qu'on appelle. Le problème, c'est que le petit manège du hacker a alerté les contrôleurs du réseau, NSW, qui a fini par le contrôler. Incapable de présenter sa passe, l'Australien a été verbalisé à hauteur de 220 $ australiens. Cyborg autoproclamé, Miao Miao Ludo Disco Gamma Miao Miao, estime être dans son droit et refuse de payer l'amende. Puisqu'il réglait son abonnement et utilisait la puce dans sa main depuis près d'un an avant de se faire contrôler. Résultat, c'est que l'affaire se retrouve maintenant devant les tribunaux australiens. Le réseau souligne de son côté, le réseau NSW, que son règlement indique clairement que la carte de transport ne doit pas être modifiée, altérée, délibérément endommagée ou détruite. Même fournie aux usagers des transports en commun, les cartes restent la propriété du réseau NSW, qui estime que le biohacker a donc détruit un bien public de manière délibérée. L'amende de 220 $ australiens est donc en train de devenir un curieux bras de fer juridique autour d'une question du droit des cyborgs ou quelque chose comme ça. Ensuite, Bose invente la réalité augmentée audio. Oui, le fabricant de systèmes audio a mis au point des lunettes de réalité augmentée qui ajoutent une couche audio à ce qu'on voit. Bose imagine un grand avenir à son concept pour la traduction ou le tourisme. Les Bose Glasses ne seront pas proposées au grand public pour l'instant, mais elles seront d'abord réservées aux fabricants et aux développeurs. C'est l'une des annonces marquantes du festival South by Southwest qui se déroulait récemment à Austin, au Texas, pays des bombes. Bose, le fabricant de matériel audio, a annoncé qu'il avait atteint un stade avancé d'un ambitieux projet, oui, les premières lunettes AR audio, des lunettes pour entendre ce que le monde nous donne à voir. Donc, on ne concurrence pas Microsoft HoloLens ou Magic Leap One en proposant d'ajouter une couche d'image en surimpression sur ce qu'on voit. Non, les Bose AR sont un pur produit audio qui ne modifie pas ce que vous voyez, mais c'est ce que vous regardez, sans lentilles intégrées ni caméra de téléphone. Plutôt que de superposer des objets visuels sur le monde réel, les Bose AR lui ajoutent une couche audio d'information et d'expérience. Les Bose AR qui sont le premier fruit d'un fonds créé par Bose de 50 millions de dollars US, dédié à la recherche et au développement de nouveaux produits. La prouesse technique réside dans une nouvelle technologie ultra fine et légère, permettant de produire un son à la fois clair et puissant. Bose décrit sa technologie comme l'avenir de l'audio mobile. Celle-ci est contrôlable par la voix, au toucher et même par les mouvements de tête. Elle peut trouver sa place dans des casques audio et des oreillettes, mais aussi des lunettes, un casque moto ou vélo, etc. Gros avantage de la réalité augmentée audio, elle permet de rester concentré sur son environnement réel, ce que j'ai toujours de la misère à faire de toute façon. Alors, en termes d'applications possibles, Bose cite le tourisme comme regarder un tableau dans un musée qui déclencherait automatiquement un audio guide. On pense aussi à la traduction instantanée de textes en langue étrangère. Maintenant, c'est aux développeurs de trouver de nouvelles idées parce que c'est à eux que Bose va proposer ses Bose AR avec un kit de développement avant d'envisager une commercialisation grand public. Ensuite, la reconnaissance d'images de Google débarque sur iPhone. Victoire! Présentée lors de la conférence développeur Google I.O. de l'an dernier, la technologie d'analyse d'images Google Lens, dopée à l'intelligence artificielle, débute son déploiement sur iPhone et iPad. Après Google Photos sur Android, c'est au tour de son homologue sur iOS de profiter de la technologie Google Lens. Le coup d'envoi de ce déploiement a été confirmé par Google sur Twitter. On ignore pour l'instant si cette fonction, qui est pour l'instant disponible seulement en anglais, va arriver en français. On ne sait pas encore. Ces dernières semaines, Google s'est employé à déployer progressivement Google Lens sur l'appli Photo de son propre OS mobile, tout en prévoyant également d'étendre le processus à la version iOS. Aucune date précise n'était connue, seule une estimation dans les semaines à venir. Mais maintenant, c'est tout à fait fait. Hein? Voilà. L'option n'apparaît qu'à une seule condition, il faut que la langue de l'appareil iOS ou Android soit l'anglais pour l'instant. Ensuite, toujours chez Google, Google qui ouvre la base de données cartographiques et les bâtiments modélisés dans Maps aux développeurs de jeux. Google qui transforme Maps en un immense terrain de jeu. Le géant du web a annoncé qu'il allait permettre aux créateurs de jeux vidéo de profiter par le biais de plusieurs API de l'énorme base de données de son service de cartographie. Donc tous les plans, toutes les rues, tous les bâtiments modélisés en 3D dans plus de 200 pays seront accessibles aux développeurs pour faire des jeux dans le monde réel. On pourrait après ça avoir un FPS en monde ouvert qui se déroulerait en plein cœur de Trois-Rivières, hein? Pour faciliter la création des jeux, un jour évidemment, peut-être pas maintenant, Google propose plusieurs outils, à commencer donc par un accès à toutes les bases de données géographiques, cartographiques et l'urbanisme de Maps en temps réel. Donc le développeur pourrait faire évoluer son univers au gré des changements architecturaux ou urbains, comme les créations de rues, d'avenues, etc., enregistrées par Maps. La gigantesque base de données de Maps a été adaptée pour Unity, un moteur de jeu très populaire tant sur mobile que sur PC pour l'instant. Google annonce avoir transformé 100 millions de lieux, bâtiments, routes, parcs et monuments, etc., en éléments utilisables par les développeurs dans Unity, un décor qu'ils pourront à loisir personnaliser selon leurs désirs et transformer donc Big Ben en bâtiment futuriste peut-être. Google offre aussi aux développeurs de jeux géolocalisés l'accès aux centaines de millions de points d'intérêt de Maps qu'on pourra aussi intégrer pour des lieux de rencontre, entre autres. Tout ça n'est pas gratuit. Par contre, Google propose ce service aux créateurs de jeux contre de l'argent. Hein. Cette API a déjà séduit quelques studios. Les premiers jeux à en profiter seront The Walking Dead Our World, Jurassic Park Live et Ghostbusters World. Trois titres qui fonctionnent un peu à la même façon que Pokémon Go. Et pour terminer, j'en parlais en introduction, l'île de Bali qui coupe Internet pendant 24 heures pour réfléchir. Hein? Il y a des situations où c'est bon de garder le téléphone éteint, peut-être au cinéma, des trucs comme ça, je sais pas, un enterrement. Niepi, le nouvel an balinais, est un jour sacré. Sur l'île de Bali. Même les aéroports internationaux restent fermés ce jour-là. Mais couper Internet sera une grande première. Une demande similaire avait déjà été faite l'an dernier, mais refusée. Interrogé par Tirto.id, Nioman Sujaya du ministère de la Communication de Bali déclarait qu'il avait été décidé que l'Internet sur les téléphones mobiles serait coupé. Tous les opérateurs ont accepté. Il y aura donc plus d'Internet mobile. Les appels téléphoniques et les SMS, eux, seront toujours possibles. Quant à l'Internet fixe, la décision n'avait pas encore été prise. À noter que le web sera toujours accessible à certains services critiques de sécurité d'aviation et d'hôpitaux, etc. Voilà pour le segment Geek CLX. Il nous reste encore le bloc Tout ce qui bouge dans quelques instants. Avant ça, par contre, on continue avec un autre petit bloc de nouvelles, de musique reliée. Voilà. C'est la trame sonore de Nier Automata. C'est un musicien d'Argentine, Fernando Ariel Ferd Caravajal et Materia Collective qui sortent Glory to Metal, Symphonic Metal Tribute to Nier Automata. C'est un album en 4 pièces qui rend hommage à la musique du jeu Nier Automata. On commence avec la première pièce. Voici Bipolar Nightmare. MPS, le Mathieu Plante Show! We'll be right back. la pièce Forest Kingdom. Sur l'album Glory to Metal, Symphonic Metal Tribute to Nier Automata. C'est donc un hommage au jeu Nier Automata. Maintenant, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique qui parle bien sûr de tout ce qui bouge. Hein, c'est quand même bien comme nom, vous trouvez pas? Allez, on commence avec, avec Uber. Vous avez probablement entendu parler, en fait, de la nouvelle d'une personne qui avait été tuée par un véhicule Uber. Eh bien, on a appris les détails quand même, donc je tenais à le mentionner parce que les médias ne vont peut-être pas nécessairement faire la correction tout de suite. Mais bref, on apprend que la victime s'est arrêtée devant la voiture. Donc, c'est comme ça que la personne est morte. Donc, par inadvertance complètement. Peut-être que ça n'a même pas rapport avec le fait que c'était un Uber automatique. Alors, c'est une caméra connectée qui vous dit quand le feu est vert sur votre téléphone. Ça a peut-être un lien, justement. Le monde de l'Internet des objets qui va nous offrir des appareils capables de révolutionner notre quotidien. Les possibilités sont infinies, mais parfois, il y a certains projets qui sont au premier abord totalement inutiles et qui peuvent même être dangereux quand on les regarde de plus près. C'est le cas d'un projet Indiegogo qui s'appelle Red Light Green Light. C'est donc une caméra embarquée pour votre voiture capable de vous dire si le feu est passé au vert pour que vous puissiez arrêter de regarder votre téléphone. Hein. Donc, un conducteur qui démarre pas au quart de tour lorsque le feu passe au vert le sait, la personne derrière vous va klaxonner pendant au moins 10 secondes. Maintenant, il y a une solution, c'est la caméra embarquée Red Light Green Light. Ces concepteurs ont lancé une campagne de sociofinancement sur Indiegogo avec l'objectif de recueillir 1 million de dollars pour développer leur appareil. Ce dernier consiste en une caméra intelligente à placer sur votre tableau de bord et qui, grâce à un algorithme et sa vision à 130 degrés, est en mesure de détecter quand le feu est passé au vert. Le hic, c'est que la caméra envoie une notification sur votre téléphone. Hein? La caméra s'adresse aux personnes qui regardent leur téléphone lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ça a l'air d'être une blague, mais quand même, quelques personnes ont déjà donné de l'argent pour le développement de cette caméra à utilité relative, étant donné qu'on n'a pas le droit d'être sur son téléphone. Hein? Ensuite de ça, parlons de la première voiture conduite grâce à un smartphone justement doté d'intelligence artificielle. C'est par Huawei, c'est le projet Road Reader. La marque qui devient le premier fabricant d'appareils mobiles au monde à utiliser un smartphone doté d'intelligence artificielle pour conduire une voiture. C'était dévoilé au Mobile World Congress. Contrairement à d'autres véhicules autonomes qui détectent simplement les obstacles, Huawei a transformé une Porsche Panamera en voiture autonome qui ne se contente pas de voir, mais qui comprend également son environnement. Cette avancée technologique qui permet de distinguer des milliers d'objets différents, y compris un chat ou un chien, une balle ou un vélo, et d'apprendre à adopter la ligne de conduite la plus appropriée. Le projet Road Reader de Huawei tire partie des capacités d'intelligence artificielle déjà présentes dans le Huawei Mate 10 Pro. L'appareil utilise l'intelligence artificielle afin de reconnaître automatiquement des objets comme les chats, les chiens, les aliments et autres pour aider les utilisateurs à prendre des photos comme des professionnels. La plupart des voitures autonomes en cours de développement s'appuient sur la puissance de calcul des puces spécialement conçues par des fournisseurs de technologies tiers. Dans le cadre de sa mission continue visant à rendre l'impossible possible, Huawei a utilisé une technologie déjà disponible dans ses smartphones, démontrant ainsi le potentiel de cette innovation et ce, face aux technologies les plus abouties en matière de conduite autonome. Maintenant, une voiture connectée 100% dédiée à vous. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entreprise Drust qui met son expertise et son savoir-faire autour de l'intelligence artificielle au service des professionnels du secteur automobile. L'entreprise qui propose différentes offres standards ou sur mesure avec un panel de fonctionnalités qui s'adapte aux besoins. Sélection et transformation des données, personnalisation de l'application ou de l'interface web, l'intégration de la technologie Drust en marque blanche, interfaçable directement sur les serveurs des constructeurs, connecté via un boîtier branché sur la prise OBD ou directement sur la batterie, leur solution devient compatible avec l'ensemble du parc automobile. Ayant dépassé cette fameuse masse critique des 1000 utilisateurs actifs dans sa phase de recherche et développement, elle a su exploiter des données issues de sa solution connectée. Les données brutes sont analysées, enrichies puis transformées en données utiles afin d'être partagées et servir le développement de nouvelles offres de services. C'est donc un véritable laboratoire à ciel ouvert composé de plus de 1000 conducteurs connectés. Ça propose aux partenaires de tester et de valider les nouveaux services directement auprès des utilisateurs via une application MyDrust disponible sur iOS et Android. Selon une étude, les passagers d'une voiture autonome sont davantage stressés. Peut-être parce que, justement, tu sais pas trop si tu vas frapper quelqu'un, comme on disait. Selon une étude, il semblerait que les passagers d'une telle voiture soient ainsi plus stressés que ceux d'une voiture ordinaire. Si on en croit les résultats de l'étude menée par l'Université Campton de sciences appliquées, les véhicules autonomes causent des niveaux de stress plus élevés chez les passagers. Bernard Schick a mené son étude auprès de 50 participants répartis selon leur tranche d'âge. L'étude suivait aussi les participants alors qu'une voiture équipée d'un système moderne de suivi de voie évoluait juste à côté. Les niveaux de stress ont augmenté chez tous les sujets lorsque le système était activé, très probablement parce que les participants ne se sentaient pas à l'aise à l'idée de laisser le contrôle du véhicule à l'ordinateur. Une réaction bien normale. Lorsque le concept sera éprouvé et que les systèmes seront renforcés et que les véhicules seront plus répandus, l'habitude prendra le dessus et le stress s'en ira. Alors, aux États-Unis maintenant, un sous-marin de combat se contrôle avec une manette de Xbox, entre autres. C'est l'USS Colorado qui est un sous-marin qui se contrôle presque comme un jeu vidéo. Le jeu vidéo donc qui, des fois, peut inspirer la vraie vie. Hein? Un nouveau sous-marin de combat de la US Navy présenté récemment. Un navire de guerre qui est prêt à protéger la patrie et à projeter la puissance des États-Unis, a déclaré son commandant Reed Kep. Ce sous-marin de 114 mètres de long et 7800 tonnes a une particularité qui a de quoi surprendre les gamers. Et il utilise une manette de Xbox 360. Toutes les manœuvres ne se font pas par la manette quand même. Le contrôleur sert à diriger les mâts photoniques, qui sont les évolutions numériques des périscopes. Une manette Xbox 360 qui vaut en ce moment genre vraiment pas cher. Hein? Le système de contrôle précédent était évalué à 38 000 $ US par Lockheed Martin. Une manette de Xbox 360, c'est environ 25 $ US. L'entreprise qui a assuré la transition entre les deux, on comprend. C'est peut-être sa décision un petit peu. Ensuite... parlons de moteurs ioniques qui carburent à l'atmosphère. L'Agence spatiale européenne a récemment réussi à laisser le prototype de moteur spatial fonctionnant sans carburant embarqué. Il utilise des molécules de l'atmosphère, de quoi réaliser des satellites évoluant très près de la surface terrestre à moins de 200 km d'altitude. L'ESA, qui est la European Space Agency, l'agence spatiale européenne, qui travaille à développer un moteur ionique capable de collecter son carburant dans l'atmosphère, a réalisé une première mondiale en testant un prototype qui peut récupérer les molécules utiles à son fonctionnement en traversant simplement certaines couches de l'atmosphère. Une technologie qui pourrait ouvrir la voie à des satellites tournant autour de la Terre à très basse altitude pendant plusieurs années. Cela dit, aussi attrayante soit-elle, cette technologie est loin d'être maîtrisée et son intérêt n'est pas aussi grand qu'il y paraît, en tout cas très limité, sauf peut-être pour quelques missions très spéciales, sans doute scientifiques à très basse altitude. Cette propulsion pourrait néanmoins trouver des débouchés autour d'autres planètes, notamment Mars, mais à des échéances, oui, éloignées. Si récupérer l'air résidentiel évite d'avoir à embarquer du carburant de type xénon, il nécessite un système complexe, lourd, guère flexible et génère de la traînée supplémentaire. À ces contraintes s'ajoute qu'il ne peut fonctionner que sur des orbites très basses, ce qui limite son emploi. En effet, pour que ce type de moteur fonctionne et que le collecteur n'ait pas de dimensions gigantesques, il faut suffisamment d'atmosphère résiduelle, typiquement aux environs de 150 à 200 km d'altitude, mais pas trop non plus, car la traînée freinerait alors le satellite jusqu'à le désorbiter. Quant au prototype de l'Agence spatiale européenne, réalisé par la société italienne Citael, il a été testé dans une chambre sous vide qui reproduisait l'environnement atmosphérique qu'on trouve à 200 km d'altitude. Lors de cet essai, le prototype a fonctionné normalement avec une alimentation classique du moteur ionique avec du xénon. Ensuite, celui-ci a été partiellement remplacé par un mélange d'air composé d'oxygène et d'azote. La dernière phase a consisté à couper l'arrivée du xénon pour n'utiliser que des molécules d'oxygène et d'azote de l'atmosphère. On nous dit que, avant d'avoir un système prêt à voler, il y a beaucoup d'étapes de développement à franchir, dont, parmi les points durs en suspens, le problème du neutralisateur, qui est la source d'électrons qui neutralise le faisceau d'ions, et la mise au point d'un émetteur d'électrons qui supporte l'oxygène et qui fonctionne avec un plasma d'air. Continuons avec un organisme qui veut faire du Québec une terre d'avenir pour le drone. C'est un organisme du Lac Saint-Jean, oui, spécialisé en drones, qui avance dans ses démarches pour attirer des grands de l'aéronautique comme Airbus au Québec, nous dit la presse canadienne. Le directeur du Centre d'excellence sur les drones, le CED d'Alma, Mark Moffat. Et je suis habitué de lire des articles avec des noms américains. Il est revenu de la mission récente du premier ministre Philippe Couillard, en France, où il a fait de la prospection d'entreprises pour que le Québec devienne une porte d'entrée nord-américaine dans le domaine des avions sans pilote. Le drone est un secteur de pointe en plein développement en raison de son grand potentiel en matière de surveillance et d'inspection des structures et du territoire, les côtes, les ponts, les barrages, les pylônes, etc. M. Moffat a aussi fait un crochet à Barcelone en Espagne et a bon espoir de voir de nouveaux joueurs s'installer au Québec. Parmi les atouts du CED, un vaste espace aérien réservé pour tester les appareils. Il s'agit d'un des deux seuls périmètres autorisés par Transport Canada au pays pour effectuer des vols hors de la portée visuelle des opérateurs, jusqu'à 200 à 300 km de distance. C'est un avantage par rapport à des pays plus petits et densément peuplés avec un espace aérien plus achalandé comme l'Espagne ou la France. Singular Aircraft de Barcelone a conçu un gros appareil de 14 mètres d'envergure en aluminium, le Flyox, et l'entreprise est un peu frustrée parce qu'elle a de la difficulté à obtenir du soutien gouvernemental et à effectuer ses essais faute d'espace aérien, nous dit M. Moffat. De surcroît, il existe des programmes au Québec qui permettraient de financer l'entreprise, de mettre à sa disposition des infrastructures, et M. Moffat rêve même d'usine d'assemblage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque la région est productrice d'aluminium. Voilà, plein d'autres détails là-dessus sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, toujours sur les drones, la Drone Racing League et BMW qui va concevoir le drone le plus rapide au monde. BMW qui fabrique certaines voitures est très très rapide et le constructeur envisage maintenant d'utiliser ses connaissances dans le domaine des drones. En collaboration avec la Drone Racing League, la société veut mettre au point le drone le plus rapide au monde. Ce partenariat vise à développer des drones de course haute performance dans la soufflerie du groupe BMW et à apporter une course professionnelle au BMW Welt, un centre d'exposition de Munich en Allemagne. Le DRL Lions World Championship est la plus grande course de drones au monde. Des pilotes s'affrontent aux commandes de leur drone personnalisé, le tout en vue à la première personne, donc ils voient comme si on était à l'intérieur d'un drone. Partenaire officiel, BMW organisera l'avant-dernière course de la saison 2018 le 28 juillet au BMW Welt. L'événement sera retransmis dans plus de 75 pays à l'automne. DRL qui avait conçu l'an dernier le RaceX, couronné le drone le plus rapide au monde avec une vitesse de pointe de 265,87 km/h. Ce record qui sera très probablement battu avec l'aide de BMW 265 km/h. Voyons donc! C'est incroyable! Et je crois, est-ce que je peux ouvrir le dernier? On va voir, attends un petit peu. Parlant de première personne, Google met une vidéo sur Internet qui vous met dans dans une voiture qui se conduit toute seule. Donc Waymo, qui est la division voiture qui se conduit toute seule de Google, la compagnie parente de Google, Alphabet, il faut dire quand même, qui fait une campagne promotionnelle et qui a un assez bon timing, alors qu'un nouveau sondage montre qu'une majorité d'Américains ont encore peur d'abandonner leur volant, comme on disait tantôt. C'est une nouvelle vidéo 360 degrés de Waymo qui est sorti récemment et ça met le téléspectateur ou l'auditeur, peu importe, dans le siège arrière d'une de ces voitures autopilotées. Le film construit par Google Creative Lab commence en expliquant que les voitures de Waymo utilisent des millions de lasers par seconde en plus de radars et de caméras haute résolution pour détecter l'environnement autour. Ensuite, les téléspectateurs sont mis dans le siège arrière de la voiture et la voiture part super rapidement sur l'autoroute. C'est comme se faire conduire dans une voiture normale, dit la voix de la femme dans la vidéo. Vous pouvez aller voir le lien sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. C'est par Waymo, W-A-Y-M-O. C'est tout pour ce bloc qui s'appelle Tout ce qui bouge. Et c'est pas mal tout pour le contenu, en fait. Donc, il va nous rester seulement de la musique. Et la prochaine pièce qu'on s'en va entendre, en fait, on retourne pas mal en arrière. Ça arrive plus vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 90, il y avait des novelty songs sur les jeux vidéo. Donc, des chansons qui mettaient en vedette des personnages de jeux vidéo dont les paroles parlaient de jeux vidéo. Il y a plusieurs jeux qui ont inspiré des singles très populaires, dont Pac-Man, Space Invaders, il y a eu Tetris, et il y a eu Super Mario Land. Donc Super Mario Land de Simon Harris, hein? Donc on va entendre ça. Ça faisait partie. Harris faisait partie des Ambassadors of Funk avec le rappeur britannique Einstein, qu'on appelait aussi MC Mario ou Colin Case. Donc on écoute ça. Ambassadors of Funk avec Super Mario Land. Moi je l'ai jamais entendu. Donc à part là. Hein? C'est Mathieu Plante Show là. To the center of my Super Mario adventure. My girl's trapped on the other side of town, so I'm moving in leaps and bounds. Folks around my way think it's strange, but there's a villain to blame. Even my mom, she thinks I'm crazy, but I got to rescue Daisy. Super Mario Land. trains and automobiles, and for real got ill. In Brazil, I'm the Wizard of Oz, while on tour, and got war in Singapore, and I'm eating sushi in Japan, but there ain't no place like Super Mario Land. We'll be right back. FM, yum, yum. Power Pill la, la, la, la, avec Pac-Man Power Pill Mixed. C'était particulier, ça. Avant, c'était Ambassadors of Funk avec Super Mario Land et on va se quitter avec Dr. Spin et la pièce Tetris Radio Edit, donc les trois pièces que j'ai mentionnées juste avant. C'est tout pour le Mathieu Plante Show pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je l'aime aussi Assemblage Rookie avec Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Cif.ca, assemblagerookie.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante. Vous avez été planté. Je vous supplie de rester là pour automatique pour les gens qui nous écoutent le mercredi. Et à la semaine prochaine. Bye bye! You're going to dig this.